détruisent ou quoi. Faisons taire les mélancoliques avec notre propre rythmique et notre joie. Molt benvinguts i benvingudes. Aquesta és una nova edició d'aquest El Vostre Espai, o la Music, la música cantada en francès. Per al programa d'avui ens ha fet gràcia acompanyar-vos amb música diversa, a càrrec d'uns protagonistes que ens arriben a través d'una selecció musical feta amb un d'aquests canals, moltíssims canals, que són dedicats a la música en francès, a les xarxes socials. París, tu propones? Yo hago, publicat el 2017, i d'ells hem après algunes cançons que no compartíem, que no sabíem, i que avui en recuperem també per als nostres oients. Com, per exemple, la seva cançó preferida, Qui ens anava a dir, amb un artista que aleshores, el 2007, es deia Laure Millan, amb la Miller, i que avui en dia aquest artista es diu Loretta. Escoltem aquesta primera cançó amb el programa d'avui del nostre espai, Hola la Music, amb Rafael Corbí. J'avais cru lire dans tes yeux que tu m'aimais, que tu rêvais de nous deux au sommet. Je sais c'est fou, mais je suis folle en amour. Tu m'as dit je pars et je t'attends toujours. Le café est froid, les croissants n'en ont plus de goût. Et moi je suis là un coup assise, un coup debout. Un coup je ris, un coup je pleure. Un coup je dis, un coup lundi, un coup j'ai peur. Reviens, oublie tout, reviens. Reviens pour nous, même si je suis en tort. Reviens, tu seras déçu ailleurs. Je te connais par cœur, de toute façon c'est moi la meilleure. Na na na na na na na na na na na. Ok, j'avais cru qu'on était liés pour la vie. À mon avis, t'étais pas ravie, non. Je sais des fois j'ai trop de rêves en tête. C'est pas une raison pour que je prenne perpète. Un coup je vais, un coup je vais pas. Un coup je sais, un coup je sais plus, du coup je sais pas. Un coup je te mets, un coup on sépare, un coup je t'aime. Un coup tu sais, un coup de trop, un coup de haine. Reviens, oublie tout, reviens, d'accord. Reviens pour nous, même si je suis en tort. Reviens, tu seras déçu ailleurs. Je te connais par cœur, de toute façon c'est moi la meilleure. La meilleure. La meilleure. Reviens, oublie tout, reviens, d'accord. Reviens pour nous, même si je suis en tort. Reviens, tu seras déçu ailleurs. Je te connais par cœur, de toute façon c'est moi la meilleure. Reviens, oublie tout, reviens, d'accord. Reviens pour nous. Reviens, tu seras déçu ailleurs. Je te connais par cœur, de toute façon c'est moi la meilleure. Reviens, oublie tout, reviens, d'accord. Oh. Excel·lent cançó, excel·lent música i gran veu, Laure Millan, amb aquesta, la millor, la cançó que hem obert avui al nostre programa. Deixem que ells siguin els protagonistes i ens diguin una cançó que odien. Doncs també l'escoltem amb el nostre programa, Jul amb Chiquita. Chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Regarde qui tu dis, quitte-toi. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a le regard qui tu dis, quitte-toi. Cheveux longs comme Nikita. Si elle me quitte pas, je la quitte pas. Tu quittes, tu quittes. Elle a passé toute la nuit à me flotter. Elle est pas dans le même deuil que les filles d'à côté. Je la regarde dans les yeux en sirotant mon cocktail. Elle m'a vu dans le VIP, me prend pour un mec mortel. C'est pas que si elle se manque avec moi, je nique sa gramme. Je prends mon sang pour mon Facebook, comme moi j'ai pas Instagram. Elle veut me parler, me fait l'attendre la madame. J'ai rien pour toi, moi je vis toujours dans la gamme. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Je plonge dans ses yeux, je m'y noie. Je la regarde, je m'y vois. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Si elle me

de la vie. Et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. Doncs sí, hem escoltat aquesta versió de la Shakira, versió d'estudi del Jerem Amoury, primer cantada en castellà, després cantada en francès. Una altra de les peces que ens condueixen, com hem dit avui des de les xarxes socials, és la cançó que ens pot traslladar en un moment determinat. Session de so amb Valader és el tema que escoltem a continuació. Au début, je faisais du sang pour épater les collégiennes. Ensuite, je le faisais pour épater les lycéennes. Ensuite, on m'a chuchoté que je pouvais devenir numéro uno. Y'en a même qui disaient qu'on pourrait se faire des une, deux. Je passais de l'anonymat aux petites soirées mondaines. J'aime pas trop le caviar, laissez-moi mon assiette de peine. J'arrive en bolide, en poli, j'attise la haine, cousin. J'ai des textes insolites, solides, je suis plus le même. Donc, je vais me balader, allez me balader, yeah. Balader, allez me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées. Pour les nôtres, j'fuck tous les autres, j'bosse tous les jours. C'est les Sénégal, le Porsche et les poches pleines. Mon équipe de négés se porte, atteint te corde, on porte tes couilles. J'veux pas que t'écoutes et que tu portes plainte. À part ça, non, mais y'a. On veut plus taffer pour un homme, mais toujours jouer les yens. J'finis l'époque où ça marchait sans liquide dans les rangs. Ça rit et sache que les amis de mes amis t'inquiètent les reins. C'est le titi parisien, t'as reconnu l'accent. Nous la flambe, la mal, la valeur, dire qu'on vit absent. Dans la ville des jolis bolis, domine sans faire d'action. Non, y'a plus d'illicite, j'pense qu'on a retenu la leçon. On est plus mal, saint Alcem. Tu vis mal ça, parce que c'est fini, on se massacre plus mince. En plus, on veut faire des sous et devenir des princes. On fait sortir le genre des poches, même aux plus grosses pinces. Donc, je vais me balader, allez me balader, yeah. Balader, allez me balader, yeah. Je vais me balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais me balader aux Champs-Élysées. Je vais me balader. Non, je dirais même que t'es con à vouloir nous faire des croches, pas ta gâte et tes ponts. Boîte IB, nouveau t-shirt, nouveau vêture, nouveau texte, sauf nouvelle casquette imbibée, tueur. Wesh le boss, double euro sur les chroniques, change rien, fuck les gadgets électroniques. Nous c'est du solide, vous c'est du lège. Nous sommes des bolides, vous c'est déluge. Nous sommes comparables au déluge. Vous êtes les sinistrés qui se réfugient. Paranoïaque, psychopathe, je veux me balader sur les chansons, flic au parc. Je dans les rues de Panama, Cayenne, je suis fire. Je déboule avec l'équipe El Poto Zied. Attends, y'a Chico, les marais, garus, des coquillères. Je suis bouillant, y'a de la fumée, du démon vers la faillette. Dans les coins chic, t'inquiète. Roulant ce plaisir, y'a des keufs, on met la poudre d'escampette. Deux secondes, vas-y, miss, stop. C'est quoi le 06, je t'appelle. Musique à fond, boulevard, on se peint, ça bombarde la rue de la. Moi j'étais le petit con que les keufs aimaient contrôler. Toujours le petit sourire moqueur quand il me disait contre le mur. Oui. Petit bout de meus, toujours dans la chepeau. On me disait, joue pas trop avec la hurée, va te mettre une chego. Je voulais me balader. M'balader, et celui qui me l'est cassé, j'étais chaud pour le balafrer. Oh, me manque pas de respect quand je kick, mec, tu n'es que mon type. Je suis comme ton père. Break your neck, au lieu de mal parler sur nous. Après nous, y'a plus de groupe, y'a que des pom-pom girls. Te demande si c'est Black M ou Black Shady qui parle. 100% gros, j'ai 75, ça vient pas d'Harlem. Si on fait le cristal, c'est cool pour la baraque, il faut des sous. Sortez-nous le tapis rouge, on ira se prosterner dessus, ouais. J'suis sous wesh, j'kick ça, le dit le tapin, le chou, ouais. Sur l'instrumental, j'me balade avec trop de joie. Je vais me balader, allez me balader, yeah. M'balader, allez m'balader, yeah. Je vais m'balader aux Champs-Élysées. J'ai dit, je vais m'balader aux Champs-Élysées. Je vais m'balader, allez m'balader. Je vais m'balader, allez m'balader. Je vais m'balader, allez m'balader. Je vais m'balader aux Champs-Élysées. Diferents músiques i artistes, i ara convidats especials, com sempre ho és l'Àngel Rodríguez. A veure què ens porta aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Avui, amics i amigues, us proposo dues joves germanes de Madagascar que viuen a Nantes, Ansa i Mendrika. Elles mateixes composen les seves cançons. Ja l'any 2016 van debutar a l'Olímpia de París, poca cosa. I el gener de 2018 ens sorprenien amb aquesta peça titulada Je suis comme toi. Amb vosaltres, les germanes Ansa i Mendrika. Comme toi, moi, dans le cœur d'une chanson murmurée. Je suis comme toi, moi, la peau brûlée par des soleils d'été. Je suis comme toi, moi, au fond des yeux la même nuit étoilée. Je suis comme toi, moi, tant d'orages dépassés, les dépassés. Si on se laisse aller, comme s'élancent les vagues, des golfes clairs aux parois des rochers, emmène-moi, si tu me sais, emmène-moi. D'aussi loin que la vie s'y part, d'aussi près que l'on peut se voir, je suis comme toi, je suis comme toi. D'aussi loin que la vie s'y part, d'aussi haut que les mots s'égarent, je suis comme toi, je suis comme toi. Je suis comme toi, moi, dans le cœur une chanson soupirée. Je suis comme toi, moi, l'hiver où s'en vont les soleils d'été. Je suis comme toi, je suis comme toi, moi. Je suis comme toi és la música que ens portava i que ens en recordava l'Àngel Rodríguez amb aquest tema de 2018. Del 2006, una aliança ètnica, Aliança Ètnic, s'anomenaven en Simple and Funky. Était bien tant, c'est un élément déterminant, mais non, mais non, mais non, mais non, non, non, mais non, mais non, non, mais vous pensez, ah, oui, vous savez, oh, mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel, ce point de vue reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point, mais le ciel dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mais vaut rire, la spontanéité reste mon propre point de mire, pire. Ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, cela même je l'ai, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Simple funky, simple funky, l'esprit funky. En d'autres termes, celui de Capoin, mais le ciel dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mais vont rire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, cela même je l'ai, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky, l'esprit funky. Je

fâchés qui se prennent à mon filet de voix, pauvres pêcheurs. Oh, fallait lire entre mes lignes, ne pas mordre à mes sauts de tumeur, même si je n'en suis pas. Choc à la chaîne, zen, restons zen. Du calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans haine. J'suis pas dans le vent des guignols, de ces joueurs en fond de cour, de ceux qui sont prêts à larguer les amours, tous ces maîtres chanteurs, oh, qui manquent de coffres et de cœur. C'est facile de compter les erreurs, oh, quand on ne joue pas la scène. Mais l'erreur est une. Soyons zen, du sang-froid dans les veines. Soyons zen, plus de choc à la chaîne. Zen, restons zen, du calme à la vie comme à la scène. Sans amour, sans haine. Escoltem aquesta magnífica intèrpret. Ja ens ha acompanyat diverses vegades i ho continuarà fent amb alguns dels seus àlbums publicats a través dels anys aquí a Olala Music, la música en francès de la Sazie, amb aquesta cançó anomenada Zen, que, com us dèiem, també era una de les cançons extretes com a senzill, el segon, número 23, l'èxit més alt d'aquest, el seu segon àlbum. El tercer senzill ja es va editar dins l'any 1996. De fet, n'hi va haver-hi un quart que no va assolir cap entrada en les llistes franceses ni belgues. Aquest, un poix de toa, sí que va entrar el número 24 de les llistes. El tercer i darrer tema que escoltem d'aquest àlbum, d'aquest Zen, de la cantant Zazie del 1995. Qu'on me donne un primat sans crainte. farem de música diferent, el que seria un programa música que, òbviament, i no em sap gens de greu dir-ho, jo no trobaria, no buscaria, no seria capaç ni d'imaginar. I ell sempre ens sorprèn amb un toc. Ara, també haig de dir que té ajuda aquesta vegada. Ciril, molt benvingut, ben trobat. Gràcies i encantat d'estar aquí novament, encantat de compartir i encantat doncs, de portar, segurament, com deies, el que generalment no s'escolta. Jo sempre m'ha agradat transitar per aquestes perifèries o fora muralles i també en el cas de la música. Avui, novament, amb la col·laboració del Fabià, que és qui ens ha assessorat i qui ens ha proposat el que presentem tot seguit. És un clàssic del rap francès i quan parlem de clàssic, doncs dic que és un tema de l'any 96 del segle passat ja, i ells són Doc Gineco, que era, com deia, un dels grans referents dels anys 90 a França del rap i segurament de l'escena europea. El tema que sentim i que compartim a petició d'en Fabià és Dans ma rue, en el meu carrer. Est bourré de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpins s'éclatent et font des magasins. Et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue, c'est une pub pour Benetton. Et tout le monde écoute les mêmes sons à fond. Mangeur de cachère ou de saucisson. Dans ma rue, je suis posé. Je marche tranquille dans la ville. J'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue, la mienne, je l'aime. Et elle s'appelle le 18e. Il faut être trilingue et faire attention quand on marche sur des seringues. Se méfier des dingues qui sortent leurs flingues. Dans ma rue, les péripatéticiennes craquent pour du crack. Les pompiers les réveillent en leur mettant des claques. Personne ne veut tenter le bouche à bouche. Les clodos s'échappent pour ne pas prendre de douche. Dans ma rue, le vendeur de grec veut nous empoisonner. Sa viande est bizarre, son huile est périmée. Comme moi, l'épicier fait ses courses à ED. Il me revend les mêmes produits que j'achète l'après-midi. Une 4 ou 5 fois plus cher la nuit. Dans ma rue, ça vole, ça viole. Mais qu'est-ce que tu veux? À chacun sa banlieue. La mienne, je l'aime et elle s'appelle... Chapelle, terminus, tout le monde descend, reste ou prend son bus. Bienvenue dans ma rue, où la crasse colle à tes pieds sur le trottoir comme de la glu. Bienvenue dans ma rue, où les pigeons meurent dans le caniveau, à force de manger du dégueulis de toxico. Dans ma rue, autant de flics que de mecs au cul. Le coiffeur raconte des blagues aux dealers, les policiers donnent des planques aux voleurs. Le facteur aide le macro à relever les compteurs. J'ai été élu président de ma rue, j'ai placé mes ministres, tout le monde est corrompu. À chacun sa banlieue, la mienne je l'aime et elle s'appelle le 18e. Estàs escoltant l'Ala Music amb Rafael Corbí. Sape com jama, sape com jama, de jama, sape com jama, jama, sape com jama, sape com jama, de jama.

prétention de rien. Qui peut prétendre avoir la clé de mon enfance et ses ratés? Ranger tous vos clichés qui rassurent des blessures à vie sous l'armure. Mais qui peut prétendre encore prétendre avoir un jugement à rendre et pouvoir se regarder en face, dire ce qu'il aurait fait à ma place? Quand moi-même je cherche et m'y perds pour tout un cirque qu'il faut bien faire. Je suis comme je suis et j'aime comme j'aime, même si j'en paye le prix. Je suis comme je suis mes envies, comme suis ceux qui m'aiment. Je rêve comme je rêve, tout mal que bien, parfois même à rien. Je suis comme je suis, en tout cas je n'ai la prétention de rien. La prétention. J'aime comme j'aime, je suis comme je suis, je rêve comme je rêve, je suis mes envies, comme si ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment. D'aquesta setmana hi seran les cançons d'aquest disc de Pascal Obispo. Fins al final, doncs, d'aquesta nova edició de l'Ala Music, un parell de cançons més d'aquest àlbum, d'aquest fan del 2004, la cançó que s'anomena Fan precisament, o el Mourir de Man, que també escoltarem ja per acabar el programa. Salutacions de Rafael Corbí, ha estat tot. Ens veiem, ens retrobem, ens escoltem ben aviat a Ola Music. A reveure. A me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. J'existe, j'existe, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan, c'est d'être fan. Sans répit, jour et nuit, mais qui peut dire je t'aime, donc je suis. J'en ai existe, c'est d'être femme. D'être femme. Si j'existe, ma vie, c'est d'être femme. D'être femme. Sans répit, jour et nuit, c'est d'être femme. C'est d'être femme. Si j'existe, j'existe, c'est d'être femme. Jusqu'à demain et tous les jours d'après.